بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم واكتفى ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي الدرس السابق dans le cours précédent on a pris une muqaddima concernant les mérites du dhikr et plus particulièrement at-tasbih, at-tahmid, at-takbir, at-tahlil. On avait pris au préalable la définition de ces kalimats là et comme l'ont dit les ulama, al-hukmu ala shay far'un an tasawwurih. Donc avant de connaître les bienfaits et les mérites qu'il y a à travers ces kalimats-là qui sont khafifah ala lisan kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont simples de prononciation, il faut qu'on sache yani, qu'est-ce que veut dire le tasbih, qu'est-ce que veut dire le tahmid, que veut dire le takbir, le tahlil, afin de pouvoir profiter pleinement de, du mérite qui est évoqué à ces kalimats-là. Ama de venir directement et prononcer ces kalimats-là, sans vraiment leur donner leur importance, il faut que le cœur, comme on a pu le voir à travers le cours précédent, le cœur kazalika, il fait un rappel, c'est un ta'zim. Son rappel, c'est le ta'zim, c'est la niya. Donc lorsqu'on prononce ces kalimats-là, avec un ta'zim, au préalable de nos cœurs. Et ça, ça passe par le fait de cerner la définition de ces mots-là, afin de pouvoir les prononcer de la manière dont elle se doit d'être prononcée. C'est pour ça qu'on a évoqué la définition de chacune de ces kalimats-là. À savoir, on va rajouter comme mas'ala que les al-fada'il, les mérites qui sont évoqués à ces kalimats-là, al-arba'a, tasbih, tahmid, takbir ou tahlil, ce mérite-là ne se limite pas à un genre de personne parmi les mu'mines. Au contraire, ce mérite-là touche yani tous les mu'min, quelle que soit la situation. C'est-à-dire qu'il évoque Allah Azza wa Jal en état de purification ou pas. Comme a dit l'imam, An-Nawawi rahimahullah ta'ala kazalika fi kitabihi al-Azkar, vers la page 60, qala ajma'a al-ulama ala jawaz al-dhikr bil qalb wal lisan lil muhdith wal junub wal ha'id wal nufasa. Qala wa dhalika fi at-tasbih wat tahlil wat tahmid والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. إن ذبق رحمه الله نجمع. Un consensus des ulama, ils s'accordent tous à dire que il est autorisé de faire le dhikr par le cœur, par la langue, pour la personne qui est muhdith, qui n'est pas en état d'ablution. Tam al-junub, celui qui est en état de, qui n'a pas les ablutions majeures. Al-ha'id, celles qui ont les menstrues. Al-nufasa kazalik. Et ils disent le dhikr qui est évoqué, parce que comme on a pu le voir, le Coran c'est un dhikr, as-salat kadhalika c'est un dhikr, al-ibada kullaha comme on a pu voir, la ta'a, l'obéissance c'est un dhikr. Lakin, il nous évoque ahuna, c'est le dhikr yani, qui est fait par l'isan, yani, c'est-à-dire par la langue, à travers le tasbih, le tahlil, le tahmid et le takbir. Donc ça, et kadhalika la prière sur le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et le dua, il nous dit, rahimahullahu ta'ala, que ça, il n'est pas conditionné dans cette ibadat-là, qui est le dhikr, d'avoir at-tahara. Lakin, il est mieux pour la personne, afin de profiter pleinement des avantages et des profits qu'il y a à travers l'énonciation du dhikr, qu'il le fasse en état de purification. Car Allah Azza wa Jal aime ceux qui sont, qui se purifient. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentent, yani, kathiran, énormément, et il aime ceux qui se purifient. Et l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans le tafsir de cette ayah-là, nous évoque que cette faveur, elle englobe toutes les purifications. Et il dit de manière générale, c'est-à-dire que la personne, si mathalan, yani, il perd ses ablutions et ensuite il se rend dans l'endroit pour faire les ablutions, sans avoir l'intention de prier, il dit qu'azalika, il rentre dans la ayah. Donc yani, ça rentre dedans celui qui aime être en état de purification, même si jamais il ne cherche pas à travers cette ablution-là à faire un ibadah. Juste, il veut être pur. Il dit, kazalika, c'est mustahab. de pas rester en état de ihdaf, c'est-à-dire sans les ablutions. Enfin, c'est meilleur. Allah Azzawajal aime cela. Et comme on a pu le voir à travers les bourrous précédents, que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit aimer une chose, c'est-à-dire qu'il y met à tawfiq comme وَلَا يَزَالُ الْعَبْدِ يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et le serviteur ne cessera de s'approcher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je vais l'aimer. Et lorsque je vais l'aimer, je serai son ouïe, je serai sa vue, je serai sa main, je serai ses pieds. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal sera avec toi, comme on a pu voir la ma'iyya, qui est quoi? Qui est khassa. Et Allah Azzawajal, il est avec toi, et c'est-à-dire bilhiv, avec, il te préserve, il te donne la réussite, comme on a pu le voir. Il est mieux pour les personnes qui font le dhikr, qui mentionnent Allah Azzawajal, qui soient al-tahara. Laquelle, comme il a dit, ce n'est pas une condition, c'est ja'is. Et c'est mieux pour nous. Dalil zalika, alladhina yathkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yani dans tous les états. Kanat taqul Aisha, kana an-nabi sallam yathkuruna Allah ala kulli hal. Et an-nabi sallam, il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'en était son état. Lakin, il est meilleur, comme on a pu voir, que ce soit avec la purification, comme dans le hadith, celui qui est venu et qui lui a passé le salam, et le prophète, alayhi wa sallam, il n'était pas en état d'ablution. Il s'est empressé de faire le tayammum pour pouvoir lui rendre le salam. Et wa qala karihtu an azkura Allah ala ghayri tahara. J'ai jugé détestable de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en état d'impureté, si on peut dire cela. Ça nous montre, comme l'ont dit les ulama, que c'est mustahab jiddan, que l'insani il évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans le meilleur des hal. Donc al-junub, celui qui n'est pas, qui a perdu les grandes ablutions, kadhalik al-ha'id, le zikr est mustahab lahum. Le zikr, il est mustahab lahum. Qala rahimahullah, qala babu fadl at-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil. Le mérite du tasbih, du tahmid, du takbir et du tahlil. Qala al-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, habbu al-kalam ila Allah arba'. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, la yadurru bi'ayyihinna bada't. Le hadith, il est authentifié par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Par l'imam muslim, alayhi rahmatullah. Min hadith, Samura ibn Jundub. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans ce hadith, les paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de quatre. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. La ilaha illallah, il n'y a de divinité qui mérite en toute vérité d'être adorée en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand. Qala, peu importe par laquelle tu commenceras. Ce hadith-là nous montre que il n'est pas conditionné de commencer par subhanallah. Peu importe, il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, par laquelle tu vas commencer. Lakin, Wallahu a'lam al-jayyid, que tu commences par ce que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il a commencé. Comme il y a yani fil hadith, qala bada'tu bima bada Allah min. Lorsqu'il a commencé fil hajj, il a commencé bi safa, inna safa wal marra. Qala bada'tu bima bada Allah min. Fa qala al-Sheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, la yadhurru bi ayyatihin bada't, peu importe par laquelle tu commenceras, cela nous montre, comme l'a dit Sheikh al-Uthaymin rahimahullah dans le charh derrière de Sahih Muslim, que ceci n'est pas un charh à tartib les sabi charh. Le fait de commencer par ce que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a commencé n'est pas une condition lakin. Il est mieux de commencer comme le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'a commencé. Et dans le hadith, il est venu, Naddarallahu mar'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. An-Nabi sallam l'a fait une dua pour celui qui entend un hadith, une parole de lui, et qu'il la mémorise comme il a entendu. Donc là, le mieux, c'est de commencer comme le prophète alayhi wa sallam l'a énoncé. De commencer par le tasbih, ensuite par le tahmid, ensuite par le tahlil, ensuite par le takbir. Lakin, comme il a dit, peu importe par laquelle de celle-ci tu commenceras. Enfin, laissa bichar qui m'a qala à l'imam al-Uthaymin alayhi rahmatullah. À l'imam al-Nawawi rahimahullah, dans le charh de ce hadith-là, il nous dit, هذا الكلام أحب الكلام إلى الله, les paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, قال هو محمول على كلام الآدمي. قال وإلا فالقرآن أفضل وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحليل المطلق. Il nous dit l'imam رحمه الله تعالى que les paroles les plus aimées dans ce hadith sont celles du serviteur. أحب الكلام إلى الله et les paroles qui sont attribuées au serviteur, les paroles qui sont propres au serviteur. Ce qui est voulu هنا, des paroles, c'est pas toutes les paroles, لكن les paroles qui sont propres au serviteur, les siennes. قال car en aucun doute le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des paroles. Et l'on est de même pour la lecture du Coran. Elle est plus méritoire que le simple fait de prononcer At-tahlil wa at-tasbih. Et ça c'est un kalam qui est sahih. Donc là, les paroles les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les paroles, c'est-à-dire celles qui émanent de nous, nos paroles à nous. Amma la parole d'Allah qui est le Coran, c'est la parole la plus aimée auprès d'Allah. Lakin c'est la parole d'Allah et ce n'est pas notre parole. Lorsqu'on lit le Coran, ce n'est pas notre parole. On ne fait que lire la parole d'Allah, Azza wa Jalla. Donc la lecture, c'est la nôtre. Lakin la parole qui est lue, le texte qui est lu, c'est la parole d'Allah, Azza wa Jalla. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, on fait bien attention. Les paroles les plus aimées, ce hadith-là, il est évoqué dans les paroles qui sont propres à Ibn Adam. Oui, kazalika Sheikh al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, il a évoqué une parole semblable à la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, kadhalika dans le sharh de Riyad plutôt de Sahih Muslim, عند هذا الحديث. فقال رحمه الله تعالى قال فيقال حب الكلام أي ما يتكلم به الإنسان ويخرج من ذلك القرآن الكريم فإنه أحب ما يتقرب به. Il dit رحمه الله les paroles attribuées à l'humain qui sont les paroles les plus aimées auprès d'Allah عز وجل sont le tasbih, le tahmid et le tahlil. Et il dit ceci exclut le Coran. Les paroles attribuées à l'humain, qui sont les paroles les plus aimées auprès d'Allah et Azza wa Jal, sont le tasbih, le tahmid, le tahlil, le takbir. Ceci exclut le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika qala, la lecture du Coran, c'est la parole d'Allah. On lit la parole d'Allah et non notre propre parole. Naham. Puis hadith al-hadith, قال رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين toujours il nous évoque رحمه الله تعالى que le prophète عليه الصلاة والسلام il a utilisé un style particulier. فقال أحب الكلام إلى الله أربع qui s'appelle ضبط المسائل بالأرقام et évoquer les sujets, les فوائد avec leur en les dénombrant. Et ça c'est أجدر أن لا ينسى, c'est plus à même à ce que celui qui entend cela ne l'oublie pas. Car si jamais il apprend le hadith et il sait مثلا que les paroles les plus aimées auprès d'Allah et Azza wa Jalla sont au nombre de 4, et ensuite il arrive à 2, il sait que, et il en oublie 2, il sait combien il lui manque afin de compléter cette faïda là. Donc ça lui permet de savoir où il en est. Au différencier de la faïda qui est présentée, sans évoquer le nombre. Ahabbul kalam ilallah, at-tasbih at-tahlil, ou at-tasbih at-tahmid, at-tahlil ou at-takbir. Donc là, yani, il se peut que tu oublies carrément combien il y en a. Tandis que là, on t'a évoqué un nombre. Donc ça te permet de savoir où tu en es si jamais tu as oublié. قال رحمه الله تعالى قال هذا من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم أحيانا يذكر الأشياء محصورة بعدد. Il dit ça, c'est un style particulier au prophète عليه الصلاة والسلام de sa dahwa. كذلك on a une qudwa, un exemple à suivre à travers cela. Lorsqu'on enseigne aux gens, كذلك يعني certaines des fawaïd, on dit et que ces fawaid-là, mathalan, sont dénombrés à un nombre bien précis, on évoque le nombre, afin que la personne qui est en face de toi, il redouble d'attention à ce que tu vas lui dire. Lorsque tu vas évoquer la faïda, il va dire, ça fait une, ça fait deux, il va compter avec toi, il sera mutanabba. Et ça, c'est le but. Le but, lorsqu'on on transmet la parole d'Allah ou celle du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ou une faïda ilmiya, le but, c'est que la personne en profite totalement. Et pour en profiter parmi les asbab et les causes qui nous permettent de pouvoir en profiter totalement, c'est la mémorisation. Car par ce biais, tu n'oublies pas cette faïda-là. Donc ça fait partie des uslub dans la da'wa, d'évoquer ce genre de présentation de fawaid, qui s'appelle Dabtul Masail Bil Arqam. Évoquer les sujets et les fawaid avec le nombre yani, qui est attribué à ces fawaid-là. قال ويذكر احيانا الاشياء محصوره بعدد من اجل تقريبها الى الحفظ afin de faciliter la mémorisation. قال لان الشيء اذا كان محصورا كان اقر للحفظ والادراك. Il dit رحمه الله la chose lorsqu'elle est évoquée, elle est dénombrée, c'est plus, elle est plus à même à être mémorisée et être cernée. Donc ça c'est un usloub yani nabawi, jayyid yani fi ad-da'wa. Tam, d'évoquer les fawaïd avec leur nombre lorsqu'elles sont limitées à une chose. Ça c'est important. Et nous dit rahimahullah ta'ala min tatimmat al-hadith, il a évoqué les fawaïd qui sont dans ce hadith là. Ahabbu al-kalam ila Allah arba'. Il nous dit rahimahullah qala fihi ithbatu mahabbati Allah. Et dans ce hadith là, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que la mahabba c'est une sifa qui lui est propre à lui jalla wa ala. Il est qualifié par la sifa le critère de la mahabba, l'amour. قال وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة يحب ويحب وهذا مذهب السلف الصالح إن جاء رحمه الله que الله عز وجل تم et qualifié par la al-mahabba et Allah عز وجل il aime et il est aimé et ça c'est la croyance des gens de la sunna des salaf. وقال رحمه الله قال وقال بعض أهل البدع أن الله لا يحب ولا يحب تعالى الله عما يقولون هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. Subhanallah, tasbih comme on a pu voir. Ça c'est une parole qui est immonde. Certains des gens de la bid'a nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, ils ont prétendu que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas qualifié par la mahabba et Allah azza wa jalla n'aime pas et n'est pas aimé. Astaghfirullah. C'est une kalam qui est chadid. Ahlu sunnah wal jama'a, ils ont cette croyance là dans la mahabba que c'est une sifat qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. La chose qu'ils ont renié c'est la ma'na. Amma al-lafz, le terme, ils ne peuvent pas le renier. Parce que une personne qui renie un terme du Coran, ne serait-ce que Alif, dans Surat al-Baqarah, Alif Lamim, celui qui dit que Alif, dans Surat al-Baqarah, ne fait pas partie du Coran, de Surat al-Baqarah, ala kufru billah azza wa jal. Comme l'a évoqué l'ulama, et minhum al-imam al-Sabuni, rahimahullah, dans son kitab, Aqidatu al-Salaf, ahl al-Hadith. Nous évoquons yani, des salafs comme Ibn al-Mubarak, et d'autres, que la personne qui prétend que une lettre du Coran n'en fait pas partie, c'est un kafir billahi azza wa jal. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِصِدْقِ إِذْجَاءَ. Et qui est plus injuste que celui qui rejette ou qui renie la vérité. Ils ne pouvaient pas dire, ils n'ont pas pu renier le fait qu'Allah azza wa jal s'est qualifié ou a employé le terme mahabba. Là qu'ils nous ont dit, ce qui est voulu, donc ils ont interprété la mahabba. Ce qui est voulu par la mahabba, c'est pas la mahabba qu'on connaît nous, lakin c'est sawabuhu. Lorsque Allah Azza wa Jal il utilise mahabba, c'est pour dire que il rétribue. Et ça c'est un kalam qui est batil, comme qala. Qala wa hadha batil. C'est clair et net. Yani, lorsque tu dis à quelqu'un je t'aime, ça veut pas dire je te rétribue. Le rétribuer, la rétribution, c'est le fruit de l'amour. Lorsque tu aimes quelqu'un, yani, généralement, tu vas le rétribuer d'une chose, tu vas le récompenser d'une chose, c'est tukrim ou tu vas l'honorer. Adam min thimar al-mahabba, ça fait partie des fruits de la mahabba. Lakin, c'est pas la mahabba. La mahabba, c'est pas la rétribution. La rétribution, c'est le fruit, ou un des fruits de l'amour. Un des fruits de la mahabba. Fa'awla, ils sont égarés. Cheikh Al-Sayyid, rahimahullah ta'ala, il nous met en garde, yani, contre cette croyance-là qui est totalement fausse. Batila, c'est un manque de respect, astaghfirullah, de dire ce genre de parole-là. An Allah subhanahu wa ta'ala la yuhib wa la yuhib. Allah azza wa jalla n'aime pas et n'est pas aimé. Subhanallah. Nas'allah salamata wa al-afiyah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: "Man qala alhamdulillahi alladhi 'afani mimma tulika fi wa faddalani 'ala kathiri mimma khalaqa tafdila." Celui qui dit cette dua-là lorsque il voit quelqu'un qui est éprouvé, certains ont dit lorsque c'est une épreuve qui touche le corps, wa fil haqiqa kadhalika, si jamais c'est une épreuve qui touche le cœur. Qu'il dise cette dua-là qui va venir, inshallah. La dua, lorsque tu vois quelqu'un qui est éprouvé, afin que tu ne sois pas éprouvé, il a dit, et celui qui dira cela ne sera pas éprouvé. Enfin, lorsque tu vois quelqu'un ou des paroles immondes qui sont dites sur Allah Azza wa Jal, dis cette dua-là. Parce que tu te dis, subhanallah, yani, quels sont ce genre de cœurs qui ne peuvent pas accepter ces paroles-là qui sont simples. An Allah Azza wa Jal, yuhib ou yuhib. Allah aime et aime. Bah, c'est Allah qui détourne le cœur. Donc, ça nous montre que Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut yani, aux personnes qui ont des mauvaises pensées sur eux. Donc on demande auprès d'Allah Azza wa Jalla le sabbat qui nous donne le raffermissement dans la religion. Et nous dit rahimahullah كذلك نستفاد من ذلك الحديث ان محبه الله تتفاضل. Que la mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala elle a des degrés. Allah Azza wa Jalla aime et il a des préférences. Il aime et il a des préférences subhanahu wa ta'ala. Ma dalil qala ahabbu al-kalam, les kalam les plus aimés. Donc il y a des choses qui sont aimées et des choses qui sont beaucoup plus aimées auprès d'Allah. Donc ça montre que Allah Azza wa Jal aime et a des préférences. Mahabbatuhu tatafadal. Qala jalla wa ala tilka ar-rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Tels sont les rusul dont nous avons élevé certains sur d'autres yani. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فقال يا أبا المنذر أي آية معك أعظم في القرآن quel est le verset qui est le plus grand pour toi dans le Coran il lui a dit آية الكرسي donc ça demande qu'il y a des versets qui sont beaucoup plus grands que d'autres et tout ça c'est la parole d'Allah عز وجل فكما قال محبته سبحانه وتعالى تتفاضل et ça c'est l'aqida d'Ahl al-Sunnah قال ثالثا la troisième فائدة qu'on retire de ce hadith là قال الحث على لزوم هذه الكلمات الأربعة لأنه إذا علم أن الله تعالى يحب هذا الشيء فإنه يحرص على أن يفعله من أجل أن ينال محبة الله فنجي رحمه الله partir du moment que l'insan sait qu'Allah عز وجل préfère telle et telle chose telle et telle acte il nous dit évertue-toi à les mettre en application afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son amour afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son amour نعم et كذلك afin qu'on sache qu'à travers cet acte-là qu'on est en train de faire qui est tasbih wa tahmid qu'on est en train de se rapprocher d'Allah et Azza wa Jal, se rapprocher de lui par les actes qui sont les plus aimés auprès de lui. Enfin, ça nous rajoute du désir lorsqu'on œuvre, de savoir que ces œuvres-là sont les plus aimées. Ça nous rajoute al-rahba, qui est une des conditions dans, la, dans les doigts, comme on a pu voir. Et ça, c'est parmi les asbab. Comment on accomplit al-rahba, le désir, lorsqu'on n'évoque Allah et Azza wa Jal, on le mentionne et on l'implore en connaissant ce genre de mérite-là. En connaissant les mérites qui te permettent de méditer sur les bienfaits sur lesquels tu es afin de les prononcer à leur juste valeur. قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Le hadith, selon Abu Huraira, rapporté par l'imam muslim, رحمه الله تعالى. Il dit, عليه الصلاة والسلام, le fait que je dise, سبحان الله, gloire à Allah, والحمد لله, louange à Allah, ولا إله إلا الله, il n'a de divinité qui mérite en toute vérité d'être adoré, en dehors d'Allah, عز وجل. والله أكبر, de dire qu'Allah, عز وجل, est le plus grand, قال, ceci est plus aimé auprès de moi, que sur quoi se lève le soleil. Le soleil se lève sur la dunya. Donc ces quatre paroles-là sont plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal que la dunya. Et lorsqu'on dit la dunya, c'est-à-dire du premier jour qu'elle a été créée jusqu'à son dernier jour. Et tout ce qui y figure dans la dunya, parmi les richesses et parmi les al-ma'adin, les diamants et l'akhiré qu'on retrouve sous la terre. Ces quatre kalimas-là sont préférées, sont beaucoup plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal que toute cette dunya-là qui est réunie. الإمام العثيمين رحمه الله كذلك dans l'explication de ce hadith-là il nous dit à notre époque les gens voyagent et parcourent des distances incroyables à travers les déserts à travers les airs à travers la terre à travers la mer tout ça pour pouvoir acquérir une infime part de la vie d'ici-bas وقال رحمه الله قد يتمتعون به وقد يحرمون إياه et cette infime part de la vie d'ici-bas pour laquelle ils combattent pour laquelle ils se fatiguent pour laquelle parfois même ils s'entretuent. Il nous dit, rahimahullah, ils ne sont pas garantis de l'acquérir. Et encore moins de s'en épanouir. Tandis que toi, ya abadallah wa ya amatallah, tu as à ta portée, sur le bout de ta langue, ce qui est plus grand et immense que les richesses de la vie d'ici-bas. Qui est le zikr, zikr Allah ya azza wa jal. Et la siyama, c'est quatre par Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Plus grand que la dunya, plus immense. Le zikr par le cœur, le zikr par les langues, le zikr par la soumission des membres à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Fahada huwa akbar. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Wa la zikru Allahi akbar. Et le rappel d'Allah Azza wa Jal est bien plus immense que toute chose. Que toute chose. Qala al-ulama ba'duhum comme on a pu voir que toute ibadat, que dire de la vie d'ici-bas, qui n'a pas un wazn auprès d'Allah Azza wa Jal. لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كلب. L'aile d'un moustique est beaucoup plus favorisée auprès d'Allah عز وجل que cette dunya-là. Que cette dunya-là. Ça nous montre, اولا, que cette dunya-là elle est méprisable. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. On se doit d'accourir vers ces richesses-là, qui sont à notre portée. Il n'y a pas besoin de voyager, il n'y a pas besoin de se fatiguer. Il nous suffit le tawfiq qu'on les prononce. Qu'on les prononce avec un cœur qui est présent. Tandis que les œuvres salihah, elles durent, au contraire, aux différents de la vie d'ici-bas. Les richesses de la ville d'Ishiba ne durent pas et elles meurent avec la mort de leurs partisans. Tandis que les œuvres saliha, elles, durent et profitent dans la ville d'Ishiba et dans l'au-delà. Comme a dit Jalla wa Ala, « Al-mal wal-banoun, zinatu al-hayati d-dunya, wal-baqiyatu salihat, khayrun inda rabbika thawaban, wa khayrun amala. » La fortune des enfants sont l'ornement de la ville d'Ishiba. Et les œuvres qui perdurent et qui sont saliha, et avec l'ikhlas, avec la sincérité, le suivi du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, khayrun min inda rabbika, sont meilleurs auprès de ton Seigneur. Wa khayrun amala. Et suscite, il y en a beaucoup plus d'espérance. Comme on a pu voir, le fait de connaître ces mérites-là, ça suscite de l'espérance. L'espérance qui est une condition dans ad-du'a wa kadaika dans le dhikr. Qala rahimahullah, qala wa qala al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, bakhin bakhin. خمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد صالح يتوفى فيحتسبه والده. الحديث اللي rapporté par l'imam Ahmed et il nous évoque rahimahullah que le hadith il est fait sahih à l'Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala et kazalika dans sahih al-musnad de l'imam Muqbil al-Wadi'i alayhi rahmatullah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن. Et c'est une kalima yani, qui est utilisée afin de complimenter et de d'immensifier une chose, de lui donner de l'importance. C'est un peu l'équivalent à notre époque, lorsqu'on voit une chose qui est agréable, on dit « Masha'Allah, Masha'Allah yani, ». Pour lui donner de l'importance. « Bakhin, bakhin », c'est comme s'il était dit « Masha'Allah, Masha'Allah ». La parole qu'on utilise souvent maintenant. « Masha'Allah, Masha'Allah ».« Qala khamsun ma asqalahunna fil mizan ». Cinq paroles, qu'est-ce qu'elles sont lourdes dans la balance yani, il s'étonne du poids de ces kalimates-là, de ces cinq kalimates-là qu'il va évoquer, dans le poids dans la balance. Et Hahona, il a utilisé beaucoup, il y en a beaucoup de usloub, différentes figures de style dans la manière de présenter les choses et de appeler à Allah Azza wa Jal. Bakhin, bakhin. Yani, déjà, ça nous montre que la chose qui va suivre, c'est quelque chose qui est valorisante. Qui est valorisante, jiddan. Et dans laquelle il y a une faveur qui est énorme. Bakhin, bakhin. Les Arabes, ils n'utilisaient pas ce genre de terme, excepté dans les choses qui sont louables, bakhin, bakhin. Déjà, lorsque tu entends cela, tu sais que c'est que du khir. Qala khamsun, comme on a pu le voir. Il évoque le nombre afin que cette chose-là, dont il a immensifié, il a donné son importance, afin qu'on se focalise et qu'on n'oublie pas ces paroles-là. Et généralement, lorsqu'il évoque un nombre, c'est que c'est simple à mémoriser. Khamsun, ça va pas être des longues phrases et des longs textes, mais des kalimates qui vont concis, mortasar alakin, bakhin, bakhin. Qu'est-ce qu'elles sont lourdes dans le mizan. Qala ma athqalahunna fil mizan, et ta'attub kadalik. Yata'attub al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam min dhalika. Qala la ilaha illallah, on a pu le voir. Kalimat azima jiddan. Les cieux et la terre ont été créés pour kalimat at-tawhid. Allah azza wa jal a créé l'enfer et le jannah pour kalimat at-tawhid. On rentre dans l'agrément d'Allah azza wa jal pour kalimat at-tawhid, on en sort par kalimat at-tawhid. C'est la clé qui nous permet de rentrer dans l'agrément d'Allah azza wa jal et d'être rétribué de Jannah et de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une kalima qui est azima jiddan. Kalimatun azima jiddan. Allahu akbar, comme on a pu voir la glorification d'Allah azza wa jal. Face à toute chose, subhanallah, tasbih, de tout ce qui est dit en mal sur Allah jalla wa ala. Purification et ta'zim, glorification. Purification et glorification des cœurs. Qala walhamdulillah. On attribue tous les bienfaits, les ni'am, il Allah azza wa jal, c'est le muhsin. Et dit walwalad as-salih, l'enfant qui est pieux, yutawaffa, qui connaît la mort, qui décède, l'enfant pieux qui décède, fayahtasibuhu walidu. Et son père, yani, il espère la récompense. Yasbir. Fa qala hadha fil mizan, c'est très très lourd. Fil mizan, c'est très très lourd. Donc lorsqu'on dit ces kalimates-là, il faut qu'on soit concentré. La ilaha illallah, on pense au mizan, on pense au poids qu'on vient de mettre, inshallah, dans les hasanat, dans la balance des hasanat. Wallahu akbar, kazalik. Ça nous demande, yani, ça va nous permettre d'être focalisés sur ce qu'on dit. La ilaha illallah, et tu t'imagines la lourdeur de cette chose-là, et seul Allah Azza wa Jal en connaît la véritable lourdeur de ces kalimates-là. Et comme il est venu dans le hadith, que si dit la ilaha illallah, elle est mise dans une côté de la balance, et de l'autre côté, toutes les péchés qu'a fait cette personne-là. 99 registres qui sont aussi longs que la portée de la vue d'une personne. que des sayyiat. Malgré cela, kalimat al-tawhid avec les lois du tawhid qui sont la prière, avant les faire voler dans l'air, et c'est comme si jamais ces registres-là, ils étaient vraiment légers. Par rapport à kalimat al-tawhid, ces kalimat qui sont azimah jiddan. Fait ça, ça nous demande de se focaliser sur ces mérites-là afin de les prononcer comme il se doit. Avec mahabba, avec ta'zim, avec désir. Naam. قال رحمه الله تعالى قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والحديث rapporté par مسلم رحمه الله تعالى selon أبي مالك الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان la purification est la moitié de la foi. والحمدلله تملا الميزان et la louange à Allah عز وجل remplit تملا balance l'autre côté l'autre moitié والحمدلله وسبحان الله والحمدلله le fait de glorifier Allah عز وجل et de le louer remplissent ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Les ulama ils ont évoqué plusieurs interprétations de ce hadith là. الطهور شطر الإيمان quelle est cette purification qui est la moitié de la foi. قال بعضهم هو الطهارة les ablutions. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ce qui est voulu par le iman hahona, c'est pas la foi, lakin c'est la prière. Parce qu'Allah Azza wa Jal a qualifié la prière comme étant iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Et les ulama s'accordent à dire que l'iman qui est évoqué dans cette ayah-là, dans Al-Baqarah, c'est dans Surat Al-Baqarah plutôt, c'est la prière, as-salah. Enfin, les ulama, ils ont dit, at-tahur shatr al-iman, parce que c'est l'une des plus grandes conditions de la prière. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتُ أَحَدِكُمْ إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah Azza wa Jal n'accepte la prière de celui qui n'est pas en ablution jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Ils ont dit c'est la moitié de la foi, la moitié de la salat, parce que c'est une des grandes conditions de la salat. Naam. Certains ont dit pourquoi at-tuhur, la purification c'est la moitié de la foi. Ce qui est voulu par tuhur, ils ont dit c'est at-takhliya, le fait de se purifier. C'est la moitié de la foi. Ils ont dit, يعني, la foi c'est kalimat al-tawhid, la ilaha illallah. Et cette kalimat-là, elle est divisée en deux. Il y a une purification et il y a un ornement. Al-tahliya, comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen, al-tahliya wa al-tahliya. Tu te purifies du at-tahout et de tout ce qui annule l'islam et tu t'embellis par la at-tawhid. L'ornement et la purification. Fadalika huwa shatr al-iman. C'est la moitié de la foi et c'est la moitié de kalimat al-tawhid. La ilaha illallah. Walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Et la louange à Allah Azza wa Jal remplit la balance. Comme on a vu. Parce que tuhur, c'est la purification. Walhamd, c'est l'autre moitié de la kalimat al-tawhid. Illallah. Parce que celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui Ar-Rab. Parce que c'est lui qui a les noms et les attributs les plus parfaits subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui a les actes les plus muqaddas et les plus purs, Jalla wa ala, rempli de hikmah, de sagesse. Fait les alikans, Alhamdulillah, tamla'u al-mizan. Parce que l'hamdou, c'est bima'na, n'am illallah. C'est bima'na illallah. Qala ba'duhum, parce que cette kalimah-là, la azima, elle est aimée auprès d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Pourquoi rempli le al-mizan, la balance? Parce que Allah Azza wa Jal aime fortement cette kalimat là, comme il est venu dans le hadith, la shay ahabbu ila Allah azza wa jal ilayhi al-madh. Il n'y a pas une chose qui soit le plus aimé auprès d'Allah azza wa jal que le compliment, c'est-à-dire que alhamd. C'est pour ça que Allah azza wa jal remplit la balance de celui qui la prononce et celui qui œuvre de cela. Celui qui dit alhamdulillah et qui ne prie pas, ça ne va pas être une manfa'a. C'est celui qui reconnaît les bienfaits d'Allah azza wa jal et qui les met en pratique, comme on a pu voir. Wa qala ba'duhum الحمد لله تملأ الميزان parce que الحمد في الحقيقة où toutes les عبادات sont basées sur الحمد. Toutes les عبادات sont basées sur الحمد parce que le fait d'accomplir une عبادة c'est une ni'ma. Et cette ni'ma-là demande qu'on remercie Allah عز و جل. كما قال جل وعلا في إبراهيم شاكرا لأنعمه. Il reconnaissait les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى sur lui et le remerciait. Et il louait Allah عز و جل. فقال العلماء تملأ الميزان a rempli la balance. Pourquoi? Parce que toute عبادة demande qu'on remercie Allah Azza wa Jal. Quand tu pries, Ahmad Allah, si Allah aurait voulu, tu ne ferais pas partie des gens de la prière. صوم احمد الله كالله تا دوني لا كاباسيتي دو فير لا بريير فتود عبادة نو دوموند كو اون رمارسي الله عز وجل فذلك ils ont dit تملؤ الميزان et on peut le retrouver cela à travers la parole de l'imam Shafi'i رحمه الله dans son kitab al-risala un kitab qui est écrit dans usul al-fiqh l'un des premiers même le premier kitab qui est écrit dans usul al-fiqh et il nous dit dans sa muqaddima dans la préface il loue Allah azza wa jalla il fait son éloge et il dit rahimahu Allah walhamdulillah alladhi la yu'adda shukr ni'matin min ni'amihi et dit louange à Allah celui dont on ne peut s'acquitter du remerciement d'un bienfait parmi les bienfaits illa bi ni'matin minhu que par l'accomplissement que Allah Azza wa Jal te donne cette ni'ma-là qui est de le remercier. Tu ne peux remercier Allah Azza wa Jal que si jamais il te permet de le remercier. Et c'est une ni'ma. Alhamdulillah, il a dit, la yu'adda shukr ni'matin min ni'amihi, celui dont on ne peut le remercier, excepté si jamais il nous fait faveur d'une ni'ma qui nous oblige à remercier Allah Azza wa Jal de cette ni'ma-là. Vous suivez ? C'est-à-dire, lorsque tu remercies Allah Azza wa Jal d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, une ni'ma, tu te dois de le remercier. Et le fait que tu le remercies, c'est une ni'ma qu'Allah t'a donnée. La reconnaissance, le remerciement, alhamd, c'est une ni'ma. Donc, le fait que Allah Azza wa Jal a fait de toi un reconnaissant, c'est une ni'ma qui demande à ce que tu remercies Allah Azza wa Jal de t'avoir mis parmi les reconnaissants. Et cette chose-là, c'est une ni'ma qui fait que c'est-à-dire que tu n'en sors pas de l'hamd. Parce que toute chose qu'Allah te donne, c'est une ni'ma qui demande à ce que tu le remercies. Et si tu la remercies, c'est une ni'ma, donc il faut que tu le remercies. Et le fait que tu la remercies, c'est une... tu n'en finis pas. Subhanallah. C'est-à-dire, une scène, si jamais même il était en train de faire sujoud, mais l'awaliyum, le premier jour qu'il est né, jusqu'au dernier jour, il a... c'est pas assez pour remercier Allah. C'est pas assez pour remercier Allah. Le fait qu'on respire, c'est une ni'ma. On se doit de remercier Allah. Le fait qu'on l'a remercié, c'est une ni'ma. On ne peut pas. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَى. Celui qui lit la parole de Shafi'i, subhanallah, il se dit, il comprend mieux la parole d'Allah. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَى. Et si vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les. Yani, tu te rabaisses, tu es modeste, subhanallah. Tu te fais très très petit lorsque tu comprends cela. Enfin, c'est pour ça que ça remplit la balance. Parce que toute ibada, elle est basée sur le shukr, alhamd. سبحان الله الكريم قال رحمه الله قال كلمة أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حبيبة إلى الرحمن خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه et c'est le dernier hadith que l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى il a évoqué dans son sahih. Et Asir Fidalika, le secret dans cela, les ulama ont dit afin de remercier Allah de ce kitab énorme qu'il a écrit. Il a dit qu'à chaque hadith, il faisait rak'atayn. Salat al-istikhara. Pour chaque hadith qu'il mettait à l'intérieur de son recueil. Combien de hadiths, je ne sais pas. Presque 7000, plus de 7000 même. Donc ça fait à peu près 15000. Plus de 15000 rak'a. Il a remercié Allah à la fin. Avec ce hadith-là. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan. Deux paroles qui sont bien aimées auprès d'Allah et Azza wa Jal, auprès de Rahman. Khafifatan ala lisan, qui sont légers sur la langue. Comme on a pu voir, c'est des ni'ma qui demandent qu'Allah Azza wa Jal te donne la réussite, la tawfiq, mais on a juste à les prononcer. On prononce beaucoup de bêtises et ça c'est simple à prononcer. Saqilatan fil mizan, qui sont très lourdes dans la balance. Subhanallah, qui est at-takhliya, la purification, qu'al kufr bi at-taghut et l'akhri, et tout ce qui en découle de cela. قال سبحان الله وبحمده comme on a pu voir une purification avec l'affirmation de l'opposé de l'imperfection qu'il a été imputé injustement comme on a pu le voir تمام الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي فنحن on dit سبحان الله الله il est munazza de faire du zulm parce qu'il est juste une négation avec l'affirmation parce qu'une négation dépourvue de toute affirmation c'est le néant et le néant c'est le néant, c'est-à-dire que ce n'est pas un qualificatif de perfection. Qala subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Deux fois il tasbih. Subhanallah wa bihamdihi et subhanallah al-azim. Fait ces deux kalimat kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qui sont khafifa, très très légères, lakin qui pèsent très très lourd dans la balance. Donc c'est at-tahlil, at-takbir, at-tahmid, wa na'am, at-tasbih, ce sont des kalimat qu'on se doit, lorsqu'on les prononce, de connaître ce mérite-là qui est énorme. Au préalable, on avait pu voir que voulait dire ce kalimat-là. Enfin, lorsqu'on réunit, on rejoue entre les deux bouts, c'est-à-dire cerner la définition de ces kalimat-là et connaître les bienfaits qu'il y a dans ces paroles-là. Enfin, l'insan, lorsqu'il va les prononcer, il va les prononcer avec, inshallah, tabarak wa ta'ala, un ihsan, avec une mahabba, avec un rahba, qui vont faire que vraiment, avons pesé, mais pesé très très lourd, inshallah, tabarak wa ta'ala, fil le mizan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليك